Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e épisode de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles qui sont devant et derrière le micro. Vous avez bien entendu, j'ai dit celles. Celles qui font la radio sont à l'honneur dans cette série d'été de la mécanique des ondes intitulée « Les ondes féminines ». Alors, pour le 5e et dernier épisode de cette saison, la rentrée politique approche et quoi de mieux qu'une femme pour en parler. Je reçois donc aujourd'hui une journaliste qui décrypte la politique tous les matins sur Europe 1. Bonjour Caroline Roux. Bonjour. Alors, question traditionnelle dans cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative, j'aimerais savoir si ça vous rappelle des souvenirs. Oui, ça me rappelle des souvenirs parce que j'ai commencé, je crois que ma première expérience radio, c'était une radio associative, une radio locale qui s'appelait Radio Grenouille. C'était à Marseille, voilà, et je faisais une revue de presse. Bon, elle était lamentable, ma revue de presse, je me souviens, je l'avais réécoutée il y a quelques années, mais c'est comme ça que j'ai commencé, ouais. Alors, on revient un petit peu avant. Vous avez fait des études de journalisme. Oui, j'ai fait une école de journalisme, c'était à Marseille. J'avais plus choisi Marseille que le journalisme, pour être très honnête. C'est qu'après Sciences Po, j'avais fait l'IEP Grenoble et je cherchais un métier. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu peux faire? Et puis, où est-ce que tu aurais envie d'aller pour quitter un peu le giron familial? J'avais fait des études à Grenoble, j'avais vécu à Grenoble. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller passer quelques temps à Marseille. C'est une ville que j'adore. Il y avait une bonne école de journalisme. J'y ai passé 2 ans formidables. Et quand je suis sortie de cette école de journalisme, j'ai passé une bourse qui est très connue, qui s'appelle la bourse Loga Delmas, qui m'a permis de rentrer immédiatement à Europe 1 après l'école. Que Wendy Bouchard a eu également. Exactement. Votre collègue à Europe 1. Alors moi, j'étais pas lauréate, c'est très important, mais je suis rentrée grâce à la bourse. Alors, je reviens un petit peu avant, vous avez fait Sciences Po du coup un peu par dépit? Ah non, pas du tout. J'ai fait Sciences Po, donc l'IEP à Grenoble, parce que je cherchais une formation généraliste, j'adorais l'histoire, j'adorais la vie politique, l'histoire des idées politiques, le droit constite, tous ces trucs-là. Et puis, je savais pas précisément ce que je voulais faire comme métier. Donc, c'était un moyen de retarder un petit peu le moment où il faudrait choisir et de mûrir un peu. En fait, j'avais besoin de grandir. Voilà. Qu'est-ce que vous a apporté Sciences Po, du coup? Ça m'a apporté une ouverture d'esprit, ça m'a apporté, ça m'a un petit peu organisé dans ma réflexion. Ça, c'est un moyen d'avoir un peu ça nous apprend l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse, le sens critique. Le sens critique, c'est ça que j'ai appris, je pense le plus. Alors en école de journalisme, vous y arrivez du coup en quelle année? 91, 93? Oui, à peu près, oui, c'est ça. J'ai eu assez peu d'accros dans mon parcours. J'ai cette chance-là, donc tranquillement, j'ai passé mon bac. Et puis tranquillement, à la sortie du bac, j'ai essayé Sciences Po à Grenoble, et puis je l'ai eu. Et puis tranquillement, après Sciences Po, j'ai passé l'école de journalisme et j'y suis arrivée. Voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir un parcours assez tranquille. Voilà, je sais que certains de mes petits camarades à l'époque ont eu des moments un peu plus compliqués, et moi j'ai toujours eu un peu de chance, donc je croise les doigts pour que ça continue. En école de journalisme, on travaille sur les trois médias, sur les trois supports. Quel support vous a plu dès la première année? J'aimais tout, franchement, à part, j'avoue que j'avais toujours, je regardais mes copains d'école qui voulaient faire, qui voulaient travailler à l'AFP, je les regardais un petit peu avec des grands yeux ronds en me disant mais pourquoi vous voulez travailler en agence? Mais sinon, que ce soit la télé, la radio ou la presse écrite, j'avais la gourmandise pour ce métier. Vraiment, j'aurais pu travailler aussi en presse écrite. C'est vrai que j'aimais le média chaud, j'aimais l'urgence, j'aimais, alors là aussi en presse écrite, hein, naturellement, mais j'aimais le côté l'urgence qui est liée à l'édition qu'on doit pondre pour un 7h le matin, ou voilà. Donc la radio et la télé, a priori, c'était deux médias que vers lesquels je suis allée plus naturellement. Au début de l'émission, vous avez parlé d'une radio associative, donc Radio Grenouille. Oui. Vous faisiez donc une revue de presse. Vous tâtiez déjà à cette adrénaline. Bon, ils étaient gentils. de nous donner le micro. Franchement, c'était sympa. D'ailleurs, j'en c'est le rôle des radios associatives. Hein. Oui, oui, mais bon, ça m'a perdu. J'étais hyper stressée. Je me souviens de ce jour-là. Je suis arrivée. Je suis toujours stressée. Hein, faut même le savoir. Je suis toujours très anxieuse. Je travaille beaucoup. Si j'ai pas travaillé, je peux pas aller à l'antenne, etc. Donc là, j'avais préparé cette revue de presse. Je crois que je m'étais levée à 4h du matin. Et j'étais hyper flattée que quelqu'un, à un moment donné, me dise, ben, vas-y, c'est à toi et fais ta revue de presse. Alors, c'était les journaux locaux. Et voilà. Je garde un très bon souvenir de cet exercice-là. C'était dans une toute petite pièce. Il y avait à peine une table pour gratter cette petite revue de presse qui devait durer, je sais pas, 4-5 minutes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai fait quelques stages à France 3 Méditerranée. À l'époque. Parce que cette radio associative, c'était pas un stage. C'était vous, vous... Non, c'était un partenariat qui était avec l'école. Et gentiment, ils nous proposaient de passer vraiment à l'antenne, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, dans les stages suivants, dans votre école, vous continuez dans la radio ? Je fais un peu tout. Je fais aussi un peu de. C'est un peu le propre de cette école-là, de nous former à tous les médias. J'ai travaillé aussi à l'époque, c'était le Provençal, la Provence, méridional aussi. J'ai travaillé à France 3 Méditerranée. J'ai tâté un petit peu tous les terrains pour savoir vers quoi j'avais vraiment envie d'aller. Après, vous savez, c'est des choix, mais c'est aussi des opportunités surtout. Hein. Vous connaissez bien ce métier. Vous savez que c'est pas toujours facile. Et j'ai eu la possibilité de passer donc des concours à la sortie de l'école. J'avais passé aussi le concours qui était organisé par France 2, où j'avais été tenue, j'avais cette chance-là aussi. Et puis à un moment donné, je me souviens, j'avais appelé un journaliste qui travaille à Europe 1 et il m'avait dit va à Europe parce qu'il y a du boulot, parce qu'on embauche. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir des rêves, on peut avoir des préférences et puis il y a des opportunités qui se dessinent. Et à la sortie de l'école de journalisme, j'ai eu cette chance-là de pouvoir avoir accès à un contrat. Et c'était un rêve en particulier européen où il y avait un média qui était en particulier un rêve pour vous ? Moi, je suis assez pragmatique, vous savez, je suis taureau. Je sais pas si vous croyez à l'astrologie. Je suis taureau, je suis pragmatique et à un moment donné, je regarde là où les portes sont ouvertes. Et j'avais envie de travailler, j'avais besoin de travailler. Et cette porte-là s'est ouverte. J'écoutais Europe 1, mais j'écoutais aussi France Inter, j'écoutais tout un tas de radios. En revanche, quand je suis arrivée devant la rue François 1er et que j'ai monté l'escalier et que je suis arrivée en haut de la rédaction et je me suis dit, waouh, je vais travailler ici pendant peut-être 3 mois et puis peut-être un peu plus, j'étais super impressionnée. Et aujourd'hui, c'est ma maison, Europe 1. Vraiment. Alors, Caroline Roux, ça va être le moment de la première pause musicale. Vous avez choisi quoi et pourquoi ? J'ai choisi un groupe de rap anglais qui s'appelle The Streets parce que j'adore le rap et que quand à un moment donné j'ai un coup de mou dans mon travail, je me mets un gros morceau de rap et qui envoie un peu et ça vraiment ça envoie. Turn the page on the day, walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know them or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV, then we'll see. You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. Then a figure emerges from the wastage. Eyes transfixed with a piercing gaze. One hand clutching his sword, raised to the sky. They wonder how, they wonder why. The sky turns white, it all becomes clear. They felt lifted from their fears. They shed tears in the light after 6 dark years. Young bold soldiers. The fire burns, cracks and smoulders. 5 years older and wiser. The fires are burning on fire, never tire. Slay warriors in the forests and on higher. We sing, hear the strings rising. The war's over, the bells ring. Memories fading, soldiers slaying. Looks like geezers raving. The hazy fog over the ball ring. The lazy ways the birds sing. A new baby's born every day. Few men may be scorned today, but look at things the other way, cause it may well be your final day. And then the crowds roar, they slay, they all say, I produce this using only my bare wit. Toujours dans la mécanique des ondes avec The Streets, avec Turn the Page, c'est le premier choix de la première pause musicale de Caroline Roux qui doit la dynamiser tous les matins. Mais ça marche ou pas, franchement, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, Caroline. On continue sur Fréquence Protestante, donc toujours dans la mécanique des ondes. Quelle année, du coup, vous intégrez Europe 1 ? J'intègre Europe 1 en 1997. J'arrive au service IG, Infogéné. Je fais donc du reportage, je fais le tout venant. Je suis dans une équipe commando qui s'appelle les 15-24. Je commence à 15h, je finis à minuit. Et là, j'apprends le métier vraiment sur le tas. Je travaille avec Jérôme Bellet, qui est aujourd'hui le producteur de C'est dans l'air, où je suis également, et de C'est politique, et qui est un grand patron de radio et qui me met à l'épreuve. On est une petite dizaine de jeunes reporters et ils nous envoient sur le terrain avec des missions impossibles chaque jour et là vraiment je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, j'ai jamais autant donné à un média qu'à cette période-là. Voilà. Ça dure 2 ans au service IG puis ensuite j'intègre assez vite le service politique en 99. Alors oui, et pourquoi on intègre le service politique ? Parce que pendant 2 ans, vous avez tout fait. En fait, vous faisiez aussi bien les faits divers que la politique et que la culture finalement. Pourquoi vous intégrez au bout de 2 ans la politique ? Parce que là encore, c'est Jérôme Bellet qui me convoque dans son bureau et il me dit, écoutez, voilà, je vous ai vu évoluer. J'ai l'impression que quand je vois votre parcours, les sujets vers quoi vous allez naturellement, il faut que vous essayiez le service politique. Vous aurez une tête bien faite, vous aurez les épaules, il faut vous frotter à ce monde-là. Quoi qu'il se passe, ce sera toujours porté à votre crédit parce que c'est une matière qui est protéiforme, où il faut s'adapter, il y a toujours de l'actu. Et puis vous allez faire vos gammes dans ce service-là, il va falloir vous faire une place. Et puis il m'a jeté un petit peu dans ce service-là en regardant ce que je pouvais donner. Et puis j'ai aimé. Et à l'époque, il m'avait dit, bon, le service politique c'est bien, mais il faut pas y rester. Je l'ai pas écouté. J'y suis restée un peu. Justement, à la base, est-ce que vous, la politique, ça vous botte ? Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, bah heureusement que ça m'intéresse, sinon parce que je serais vraiment terrible. Ça fait maintenant longtemps que je traite ce dossier-là. Mais ce que j'aime dans l'actualité politique, comme je vous dis, c'est qu'elle se renouvelle toujours. Il y a quelque chose de passionnel, il y a quelque chose de parfois totalement déraisonnable dans la façon dont les Français appréhendent la politique, avec des sagas, des montées en pression, des choses déraisonnables, des grands moments de rassemblement collectif. Moi, c'est ce qui me plaît aussi dans le traitement de l'actualité politique, c'est ces moments où le pays se rassemble. Et lors des élections, le pays se rassemble. Il se divise parfois, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui, à un moment donné, tout le monde va voter, tout le monde se regarde, tout le monde se dit, tiens, où est le pays ? Et puis, pendant 2 jours, on se dit, le pays, il est là. Et c'est ça qui m'intéresse et qui me passionne, c'est ces rounds de préparation avant une élection où les gens se révèlent, ce moment aussi où le politique ou la politique rencontre son moment. On les sent venir maintenant, je les sens pour certains me dire, tiens, est-ce que lui il va rencontrer, est-ce qu'il va avoir son moment ? Voilà, donc pour l'instant, je m'ennuie pas et j'appréhende toujours le sujet avec autant de gourmandise. Quoi. Alors lorsque vous intégrez le service politique, on vous propose quoi au départ ? Des reportages ? Des interviews ? Au début on fait les trucs pourris. Hein. Soyons clairs. Soyons très clairs, j'ai une petite main, donc j'allais faire... La sortie du Conseil des ministres, je faisais les petits papiers que personne ne voulait faire, les universités d'été des partis qui étaient un petit peu secondaires ou qui étaient moins dans l'actualité, voilà. Et puis au fur et à mesure, comme on était un service qui était assez restreint, j'ai pris du galon et puis je me suis retrouvée à suivre un peu Jacques Chirac à l'époque et puis voilà, après j'ai gagné mes galons. Et là on était en quelle année ? Ah, je suis pas très bonne à ce jeu-là, mais 2002, forcément. Voilà, c'est à partir de là où j'ai eu un grand choc, comme l'ensemble du pays où j'ai suivi l'élection de 2002. Là, j'étais vraiment en situation de traiter l'actualité politique, j'allais dire au plus haut niveau, puisque j'approchais à la fois la fonction présidentielle et puis Matignon et l'ensemble des ministres de l'époque. Au fur et à mesure que vous gagnez du galon, vous aviez des envies, justement, des interviews, en particulier une idée de ce que vous vouliez faire à l'antenne ? Je vois pas les choses comme ça. C'est peut-être un tort, hein. Je devrais avoir des graals et me dire un jour je ferai ça et un jour je présenterai le 20h ou un jour je ferai telle interview. Je fonctionne pas comme ça. Je prends ce qu'il y a et j'essaie de faire le mieux possible. Voilà. D'accord. Alors, Europe 1, vous continuez, effectivement. C'est vrai qu'on vous connaît également à la télévision. Alors, elle commence quand, cette aventure télévisuelle ? Elle commence de manière un peu abrupte. Je crois que c'était en 2005. Je suis pas très bonne sur les dates. Je regarde rarement derrière, donc je sais pas tellement. Je suis pas très bonne sur les histoires de calendrier, mais je crois que c'était en 2005. Vous allez penser que je suis monomaniaque, mais c'était à l'époque encore mon patron, Jérôme Bellet, qui me dit... venez me voir, j'ai quelque chose à vous proposer. Et là, il me dit, j'ai une émission, je récupère une émission sur Canal+, qui s'appelle Nous ne sommes pas des anges, avec Maïté Nabirabin. Et est-ce que vous avez envie de faire de la télé ? Alors je lui dis, bah oui, pourquoi pas, j'en ai jamais fait. Il me dit, bon, bah on commence dans une semaine. Et donc j'ai planté Europe 1. Je suis partie, j'avais le sentiment aussi d'avoir fait un pâle tour. On n'a jamais vraiment fait le tour ni d'une radio, ni d'un exercice, etc. Mais j'avais envie de me remettre en danger. Et j'aime bien cette idée d'un moment de dire, allez, tapis, on recommence. Et donc je suis partie faire Nous ne sommes pas des anges avec Maïtena. D'ailleurs, c'était une belle rencontre parce que j'ai adoré travailler avec elle. Et on s'est retrouvés ensuite après sur la matinale de Canal+. Et là, j'ai changé du tout au tout. C'est-à-dire que je faisais de la politique et je suis arrivée. Et il fallait que je fasse des chroniques sur les crèmes solaires avec des chroniqueurs très drôles et tout ça. Donc j'étais un peu perdue, mais j'ai appris la télé. Voilà. Alors justement, comment on apprend à gérer son image quand on vient de la radio ? À gérer son image, je gérais pas mon image du tout. À l'époque, j'essayais. Encore une fois, vous allez penser que c'est un peu scolaire, mais j'essayais de bien faire. J'essayais de pas être grotesque. J'essayais d'être dans l'exercice tel qu'on me le demandait. Et puis j'ai galéré un peu au début parce que j'étais un peu trop justement dans cet exercice journalistique. Alors qu'en télé, il faut accepter d'être tel qu'on est dans la vie, il faut pas se cacher quoi. Alors à un moment donné, il a fallu que j'accepte un style, une écriture, une personnalité quoi. Ça a pris du temps hein. Ça a pris du temps. C'est vrai qu'on vous propose énormément de choses différentes hein, Planète Société sur donc la chaîne Planète Plus, sur la même chaîne, on vous propose D'ici demain où vous donnez la parole à des experts après des documentaires. Donc effectivement, là vous êtes caméléon quoi. Alors, ça c'était une autre période. Si on reprend le fil, je fais Nous ne sommes pas des anges, ça dure 6 mois, et puis l'émission s'arrête. Et là, encore une fois, je regarde les portes qui sont ouvertes, et je me dis, tiens, il y a l'air d'avoir une porte ouverte à la matinale de Canal+, puisque la personne qui faisait l'interview politique s'en va. Hop, une porte ouverte, je la pousse, j'essaie de m'incruster, et j'arrive à m'incruster. Et donc là commence une autre aventure sur Canal+, où je reprends au fond le fil de ma carrière de manière un peu plus cohérente. Je me suis habituée aux médias télé un peu et je reprends la crédibilité que je peux avoir sur la matière politique. Donc j'étais plus à l'aise dans l'exercice télé. Et là, les choses se déclenchent. Et effectivement, je travaille, je collabore avec Planète, Société, où je fais des émissions. Alors, on n'est jamais très loin de notre métier. C'est quand même que du journalisme. Donc, effectivement, je fais j'interviewe des experts après des documentaires. Et puis, on me propose une série de portraits sur la présidentielle qui s'appelle D'ici demain. Et voilà, ce sont des opportunités, mais au fond, j'ai l'impression que le fil, c'est toujours le même. C'est toujours une curiosité journalistique. Voilà. Alors, j'aimerais savoir une petite différence entre interviewer un politique à la radio et à la télévision. C'est quoi la différence de style, la différence de technique d'interview ? Il n'y en a pas pour moi. Franchement, il n'y en a pas. Je suis dans le même exercice. D'ailleurs, si vous m'avez déjà vu à la télé, j'arrête pas de bouger. Je fais des grimaces. On me le reproche parfois. On me dit « Oui, Caroline Roux, elle bouge trop. » Je suis comme ça. J'arrive pas à poser. Quand je fais une interview, je n'arrive pas à poser. Je devrais peut-être, ce serait plus professionnel. Je n'y arrive pas. Quand je trouve que la réponse, elle est bidon, je fais une tête comme je fais quand la réponse est bidon. Que je sois à la radio ou à la télé. Donc, j'appréhende l'exercice de la même manière exactement, franchement. Avec la même exigence. Et puis, à un moment donné, vous avez une personne en face de vous. Vous n'êtes pas dans un exercice, vous êtes dans un moment d'interview, quoi. Alors c'est depuis la rentrée 2013 que vous avez réintégré la radio et, oui. Et Europe 1. Mm-hmm. Ils ont été gentils de vous reprendre, Caroline Roux. Bah, ils ont été gentils, oui, ils ont été gentils. Mais quoi, ils vous faisaient confiance. Oui, ils me faisaient confiance et puis moi aussi, ça voulait dire aussi... En fait, quand je suis partie, je ne suis pas partie en mauvais termes. Et ils ont compris à l'époque que j'avais besoin d'aller voir ailleurs et de grandir. C'est comme quand vous partez de chez vous, vous allez faire vos études, vous vous installez, vous grandissez, puis vous revenez manger le dimanche chez vos parents, et puis ça se passe très bien. Donc voilà, c'est ma maison, Europe. Et quand je suis revenue, c'était naturel pour tout le monde. Et d'abord pour moi, mais aussi pour les gens que j'avais laissés quelques années avant et qui me retrouvaient, je crois, pas tellement changés. Donc ça s'est fait très naturellement, vraiment. Alors, ça va être le moment de la deuxième pause musicale. Alors, vous avez choisi quoi ? Alors, elle s'appelle Alice on the Roof. Et ça, pour le coup, c'est un titre un peu plus cool, un peu plus vacances. On en sort quand même. C'est ça. My chest is getting tight. I've got nothing to hide. I take it all on board. I've got to crack the code. Everything coincides. Heavy are these skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside, fighting against the tide. I'm sinking like a star. Easy come, easy go. Alice on the Roof sur Fréquence Protestante, c'est le choix, le deuxième choix de Caroline Roux dans cette émission. Effectivement, une chanson un petit peu plus calme que The Street. Easy come, easy go. Ça peut vous faire redescendre après l'adrénaline du direct chaque matin. Il faut vraiment redescendre parce que sinon ce sera un enfer pour l'entourage. Non, mais moi j'ai besoin de la musique. J'ai fait de la musique quand j'étais jeune. J'ai toujours chanté. J'adore ça et donc je suis toujours à l'affût de talents, de découvertes. Voilà, donc j'en ai besoin et dans la journée j'ai des moments voilà où j'ai besoin de me booster un peu avec un bon morceau de rap et puis des moments plus cool comme ça. Quoi. Alors l'adrénaline justement, j'ai l'impression que vous en avez besoin, Caroline Roux. Ouais, j'en ai besoin et j'ai besoin surtout du direct. Voilà, je sais pas travailler en enregistrement. D'ailleurs, je réfléchis avec vous là maintenant, mais je crois que j'ai jamais fait autre chose que du direct. Et à chaque fois que j'ai dû enregistrer sous la contrainte, je suis absolument nulle. C'est-à-dire qu'on me dit toujours, on est dans les conditions du direct, j'y arrive pas. J'aime ce moment où on a l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. J'aime ça et j'ai l'impression que je suis jamais meilleure, entre guillemets, que quand vraiment je suis dans cette adrénaline-là, quoi. Et vous avez besoin de ce danger, en fait, ce danger du direct, ouais. le fait de ne pas pouvoir faire de fautes ou des choses c'est comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que depuis 2012, vous remplacez également, alors à la base, Géraldine Mühlmann, c'est ça ? Oui, dans, sur ses politiques. Voilà, tous les dimanches à 18h sur France 5. Ça veut dire que vous êtes donc passé de Canal+ à France Télévisions. Mm-hmm. Comment ça s'est déroulé, cette transition ? Les portes ouvertes. Des portes qui se ferment et des portes qui s'ouvrent. Je pars de... En fait, je suis à la matinale de Canal+. Et puis, je suis le joker de Maïtena Birabin qui s'en va pour présenter le supplément. Et puis là, je dis, bah, moi, je suis candidate. J'aimerais bien récupérer cette émission. Et à l'époque, Canal ne me voyait pas dans ce rôle-là. Donc, encore une fois, je file un peu la métaphore, mais c'est quand les gens, comme votre famille ou quoi, on ne vous voit pas grandir. Moi, je pense que j'avais grandi et qu'à l'époque, Canal ne l'avait pas vu. Et en tout cas, j'aspirais à autre chose. Donc, j'avais eu une proposition d'Europe 1. J'y suis allée. J'ai donc quitté Canal+. Et c'est ensuite seulement qu'on m'a proposé de remplacer Géraldine Mühlmann et d'intégrer France 5. Donc les choses se sont faites, encore une fois, avec peut-être un ange gardien, j'en sais rien, mais en tout cas un petit peu de chance et des opportunités qui sont déclenchées. En tout cas, ce que je crois, c'est que dans notre métier, le mouvement déclenche le mouvement. C'est-à-dire, si vous restez dans votre média pendant 15 ans, à un moment donné, il ne se passera pas grand-chose. Je pense qu'il faut susciter un petit peu le mouvement pour que les opportunités se déclenchent, quoi. Alors, à partir de septembre 2013, on vous propose autre chose maintenant. C'est dans l'air, toujours sur France 5, comme joker d'Yves Calvi. Ça voulait dire quoi, joker? C'est-à-dire pendant les vacances? Bah, ça veut dire que Yves Calvi, il travaille à la radio le matin. Très tôt, puisqu'il fait la matinale d'RTL et qu'il fait 4 jours de présentation de C'est dans l'air, et il y a un 5e jour qu'il faut assurer, et donc c'est moi qui m'y colle. Donc je présente le C'est dans l'air le vendredi et également lorsqu'il est en vacances. Donc voilà, ça veut dire ça, joker. En tout cas, c'est un cadeau. Je peux vous dire que cette émission, quand on m'a proposé ça, je me suis dit, mais c'est pas possible pour moi. C'est dans l'air, ce sera dans les manuels sur l'histoire de la télé. Vous voyez, c'est une émission intelligente. Qui traite de tout, qui fait parfois 2 millions de téléspectateurs à 17h sur des elle est âpre, cette émission. Vous voyez, hier on a fait une émission sur la crise du porc, on avait des experts, on avait des économistes, ça dure plus d'une heure, c'est haut de gamme, c'est pointu, en même temps c'est pédago, c'est franchement, cette émission, c'est un miracle, voilà. Oui, non, c'est vrai que en même temps, je sais qu'ici, à Fréquence Protestante, je vais pas vous le cacher, il y en a énormément qui la suivent, parce que les intervenants, ils viennent et ils passent pas mal par chez nous. Mais c'est vrai que ça demande une préparation. Enfin, faut être un caméléon. Il faut passer vraiment d'un thème à un autre. Bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui la préparent en amont. Mais pour vous, il faut la travailler aussi. Oui, je la prépare, mais assez tard, parce que le thème, là, je viens de le connaître, le thème pour ce soir. Vous voyez, donc j'ai très peu de temps. Mais c'est le propre de notre métier, en fait. On nous demande pas de savoir tout sur tout, ce serait impossible et je prétendrais pas à ça. En revanche, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir cette curiosité sur tous les sujets. Que ce soit la crise du porc ou les trains ou la pression des migrants, etc. Il faut avoir un regard curieux. L'expertise sur C'est dans l'air, elle est apportée par les invités qui sont là et qui sont en général les meilleurs sur le dossier. Donc ce qu'on me demande à moi, c'est d'avoir une vraie oreille, d'avoir une curiosité et de poser les questions que les téléspectateurs peuvent se poser. Donc il faut maîtriser la problématique, c'est sans doute ça le plus difficile à faire dans l'urgence, mais on peut pas être expert et tout savoir sur un sujet, vous voyez. Donc il faut la préparer, mais en même temps il faut garder ce regard un peu distancé par rapport au sujet. Alors, dans la matinale de Thomas Otto, vous animez donc les secrets politiques. Oui. Alors, vous ne faites pas, à proprement parler, évidemment, un interview. Vous faites une revue de 3 secrets politiques. Est-ce que ça vous manquerait un interview d'un politique en direct tous les matins? Est-ce que vous avez envie? Oui, alors j'ai aucun traumatisme par rapport à ça, parce que vous savez, j'ai un truc formidable à la télé le dimanche où j'ai une heure d'interview politique en tête à tête à la télévision. Donc j'ai mon compte en termes d'interview, vraiment. J'avais souvent me posé la question, me disant, oui, est-ce que quand même une interview en quotidienne à la radio, c'est très puissant, l'interview politique quotidienne à la radio, c'est puissant parce que je vois ce que fait Jean-Pierre Elkabbach ou ce que pouvait faire Jean-Michel Apathy qui a rejoint Europe 1 ou maintenant Olivier Mazerolle, hein, c'est ça, hein, qui est sur RTL. J'en passe, et il y en a d'autres. C'est vrai que c'est très puissant, l'interview du matin. Mais moi, j'ai mon compte parce que j'ai ce moment. Je me dis, est-ce que quelqu'un se rend compte que c'est un cadeau qu'on m'a fait, quoi. Une heure d'interview avec un politique, ça n'existe plus nulle part en tête à tête. Hein, je suis la seule. Alors, l'invitée précédente, Jenny Godula, vous pose une question, Caroline Roux. Bonjour Caroline Roux. J'aimerais bien savoir quelle était votre interview préférée d'un homme politique. Est-ce qu'il y en a une en particulier? Ouais. C'est compliqué comme question, vous savez, parce que dans chaque interview, il y a un moment. Ou alors c'est que l'émission est plantée. Et ça m'est arrivé, hein, des émissions où vraiment je me dis on a passé une heure à tourner autour du pot et j'ai pas réussi à rentrer dans l'interview. Je vais peut-être vous surprendre, mais il y a une interview dont je me souviendrai. C'était une interview de Jean-François Copé, qui est pourtant essoré dans les médias, qui était très très présent. À l'époque, il était patron de l'UMP. Et il m'avait parlé de sa famille, il m'avait parlé de lui avec une authenticité que je ne lui avais jamais vue. Il était au bord des larmes. Je m'étais dit, je pensais le connaître, je pensais pas tout savoir de lui, j'exagère, mais en tout cas, l'animal politique, je pensais le connaître et je pensais surtout qu'il était ultra verrouillé. Et en fait, sur cette partie-là de sa vie, il n'était pas verrouillé du tout. Et il avait donné quelque chose de très honnête et de très sincère. Voilà. Et cette interview-là, je m'en souviens comme un moment très particulier. Alors avant de passer au questionnaire rapide, Caroline Roux, on est dans les ondes féminines. Beaucoup de femmes, du coup, à la radio ont été interviewées dans cette série. Mm-hmm. Vous, ces femmes et politique, peut-être deux mots qui sont peut-être un peu antinomiques. Évidemment, tous les intervieweurs politiques, vous n'avez cité que des hommes. Alors, il y a des femmes, hein. Il y a des femmes. Je pourrais vous citer Apolline de Malherbe. Je pourrais vous citer aussi Audrey Pulvar qui le fait. Laurence Ferrari l'a fait aussi. Il y a eu Anne-Sophie Lapix. Il y en a, hein. Je vous assure que les choses sont en train de bouger. Alors, est-ce que c'est plus difficile pour une femme d'interviewer un politique? Est-ce qu'on a moins de crédibilité? Ah bah, mon Dieu, quelle horreur. Non. Se dire, a priori, parce qu'on est une femme, qu'on a moins de crédibilité, non, je pense que c'est pas plus difficile. Je le vois pas comme ça. Il y a quelques années, je pense que quand je suis arrivée dans ce métier-là, on me regardait un peu comme une petite blondinette, et puis il fallait que je gagne ma crédibilité, etc. Mais c'est plus des parcours individuels. On n'est pas crédible ou pas crédible parce qu'on est une femme ou qu'on est un homme ou quoi. On devient crédible en étant journaliste, en bouffant du micro, pardonnez-moi pour l'expression, et en accumulant les expériences. La crédibilité, elle se gagne qu'on soit un homme ou une femme. Moi, je la donne à personne a priori, la crédibilité. Vous voyez ce que je veux dire? En tant que téléspectatrice ou en tant qu'auditrice, elle se gagne et c'est des parcours qui se construisent. Alors, est-ce que ça a été plus difficile peut-être pour des femmes de s'imposer dans les milieux politiques? On avait vu une pétition, hein, excusez-moi, je me souviens plus, mais les détails. Mais effectivement, il y a eu quand même, ça a été peut-être plus difficile de s'introduire. Oui, pour alors des femmes. C'est sans doute que l'a priori est toujours moins positif que lorsqu'on arrive avec un costume cravate. Parce que les codes de l'autorité, je dirais plus que de la crédibilité, les codes de l'autorité sont masculins. Mais ça demande aujourd'hui plus de travail, mais c'est pas parce qu'on me le demande à moi, c'est parce que c'est ma nature de me dire il faut que je démontre, il faut que je prouve. Mais en tout cas, ce que je voudrais pas, c'est tomber dans un quelque chose de caricatural qui consisterait à dire oui, j'en ai bavé. C'est pas le cas. Je lis pas mon parcours journalistique au fait que je sois une femme. Je pense que d'une manière générale, dans la société, c'est plus compliqué d'assumer les postes à responsabilité, les postes d'autorité, quand on est une femme, parce qu'il y a un a priori qui est toujours du côté plutôt de la légèreté et de l'incompétence. Ça traverse toute la société. Donc aussi les journalistes, etc. Mais ce que je voudrais dire, vraiment avec insistance, c'est que les choses avancent. Je suis d'un naturel très optimiste. Et je regarde autour de moi et je me dis quand même sur des chaînes, sur des émissions très exposées aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont qui tiennent le micro. Vous regardez ce que fait Rutel Krieff sur BFM. Encore une fois, partout dans chaque média, vous avez des femmes qui tiennent la baraque, quoi. Donc j'ai plutôt tendance à voir toujours le verre à moitié plein et je me dis que les choses sont en train de bouger favorablement dans le bon sens. Voilà. Alors, Caroline Roux, le questionnaire rapide, pour terminer cette émission, une femme de radio qui pourrait être votre modèle? Catherine Ney. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Plutôt France Inter. Pardon, hein, plutôt France Inter, à l'époque où j'étais à l'IEP à Grenoble, j'étais un peu branchée sur France Inter, mais j'avais une passion, et je veux le dire aujourd'hui, vraiment, pour une émission d'Europe 1, qui était animée à l'époque par Dominique Souchier, et je les enregistrais à l'époque, et je les réécoutais systématiquement. Donc c'était Inter et Europe 1. Quelle radio vous réveille le matin ? Ah bah Europe 1. Quelle radio vous endort le soir ? Europe 1. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Ma salle de bain. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? La chambre. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un seul à retenir ? Le meilleur et le pire, avril 2002. Ouais, d'accord. Voilà. Vous m'avez donc grillé ma question suivante. Allez-y. Avec le pire, pardon, avec le pire souvenir. Non, non, mais meilleur dans quel sens ? Meilleur parce que moment de radio fou, parce que direct, parce que moment d'histoire. Et vous êtes aux premières loges, c'est vous qui racontez l'histoire aux gens qui vous écoutent, et cette histoire-là, elle a marqué la vie politique, et c'était, entre guillemets, moi qui la racontais, donc c'était magique. Et en même temps, pire, parce qu'en tant que citoyenne, j'étais perdue, voilà. Un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio pour terminer ? Oh, curiosité, curiosité, curiosité. Voilà. Et avoir ça en soi profondément, et après faire de la radio, c'est comme faire de la télé ou faire de la presse écrite. Moi, je pense qu'on est, ça va vous paraître peut-être un peu bateau ce que je vais vous dire, mais je pense qu'on est avant tout journaliste, et on peut prendre beaucoup de plaisir à le faire à la radio, on peut prendre beaucoup de plaisir à le faire en faisant un long papier dans un journal ou dans un reportage à la télévision. Faut s'accrocher, et voilà, faut aimer les moments d'urgence. Il faut c'est pas vraiment des conseils tout ça. Je sais pas s'il y a un bon chemin pour arriver à la radio. Je sais pas s'il y en a un seul. En tout cas, il faut pousser les portes. Il faut mettre ce que j'ai fait, ce que je vous ai raconté pendant cette émission, c'est que de temps en temps, il faut mettre le pied dans la porte, quoi. Hein. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Caroline Roux. Qu'est-ce que vous nous prédisez pour cette rentrée politique 2015 là ? Il y a pas mal de choses qui vont arriver quand même, on se précipite un peu ? Oui, on se précipite un peu, il va y avoir des moments forts, des moments politiques intéressants à suivre en tout cas, que ce soit la question, enfin les élections régionales naturellement. Il va y avoir, moi un sujet qui m'intéresse pas mal, c'est l'histoire de la COP21, savoir si à un moment donné la planète se met à... Voilà, au diapason pour faire bouger les choses sur le réchauffement climatique. Et puis il va y avoir un vraiment vraiment un truc incroyable à suivre, c'est la primaire à droite. C'est du jamais vu, c'est la première fois que ça va se produire, et j'ai beaucoup de curiosité à savoir comment ça se passe et qui s'en sort à la fin. Je vois pas pour l'instant, hein. Je lis pas dans le marc de café, mais pour l'instant je ferai pas de pronostic sur ce sujet là. Bon, écoutez Caroline Roux, en tout cas on vous retrouve tous les matins avec vos secrets politiques, donc sur Europe 1 avec évidemment Thomas Soto. Merci beaucoup merci à vous d'avoir passé cette dernière émission des Ondes Féminines. Je vous promets un petit peu de rab d'Ondes Féminines pour la rentrée, je vous en dis pas plus. En tout cas, évidemment, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur le blog dédié à l'émission, le www.lamecaniquedesondes.com. Merci beaucoup Caroline. Merci à vous. À bientôt.